Ce vendredi à la vie en BD. Récit d'un otage s'enfuir, une longue entrevue avec Guy Delisle. Les suggestions BD autour de la Boostify avec Jeff et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour porter un regard sur le 9e art, sur la sphère de la bande dessinée. Et cette semaine, ben, on s'est fait un beau plaisir, en fait, la belle visite à Québec et au Québec, Guy Delisle, qui était de passage autour, évidemment, de la sortie de son tout dernier album, S'enfuir, le récit d'un otage, les 111 jours de Christophe André en captivité. Donc, Christophe André, qui est un administrateur Médecins sans frontières, qui après 3 mois en travail humanitaire s'est retrouvé kidnappé, s'est retrouvé otage du côté de la Tchétchénie. Et ce qu'on découvre au fil des 430 pages de cet ouvrage, mais c'est essentiellement un récit impressionniste, donc à travers ses yeux à lui, à travers sa perception de cet univers qui l'entoure, une perception qui est axée évidemment sur l'ennui, sur la redondance, sur les détails. Alors ça donne un livre qui est extrêmement intéressant et dont on avait envie de prendre le temps de vous en parler. Alors on était bien content savoir que Guy Delisle était de passage au Québec donc cette semaine. Par ailleurs, autre sujet qu'on abordera cette fois en fin d'émission, c'est l'auteur JF qui sera avec nous. On garde la tradition, en fait. Il y a la gang de la Shop à Bulles qui à 4 fois par année présente un club de lecture et font des sélections thématiques autour de la sphère de la BD. Ce mois-ci, le club de lecture porte sur la nourriture, sur la bouffe. Alors, quelle BD JF a-t-il suggéré aux participants du club? Pourquoi les a-t-il suggéré? Nous, ça nous fait aussi des belles suggestions de lecture à vous faire. Alors, on en jase en sa compagnie en fin d'émission. Alors, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Dans l'actualité BD cette semaine, on parle malheureusement en fait du dessinateur de presse et de l'auteur BD Mark Sleen qui est décédé, de son vrai nom Marcel Niels, décédé 6 novembre dernier à l'âge de 93 ans, souvent présenté comme l'un des 4 pères de la bande dessinée flamande avec Willy van der Steen, Bob de Moor et Jeff Nys, celui qui avait commencé sa carrière comme caricaturiste de presse et également le père de Néron, le personnage principal d'une série Les aventures du détective Van Zwam, puis Les aventures de Néron et compagnie qui avait été démarré en 1947 et publié chaque jour jusqu'en 2002. Mark Sleen figure d'ailleurs au livre Guinness des records pour avoir réalisé plus de 200 aventures de ce héros quasiment seul. Par ailleurs, on parle aussi dans un tout autre ordre d'idée de l'affiche d'Angoulême qui a été dévoilée, une affiche signée Herman au Grand Prix 2016. Alors vous allez voir ce que ça donne en fin de scène de guerre, une scène post-combat où des périodes semblent être métissées. Enfin, le diffusé d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission à facebook.com/lavieenbd, sinon c'est un peu partout, enfin on s'entend. Herman explique un peu sa position par rapport à l'affiche. Il dit « Je n'avais pas envie d'utiliser mes personnages sur l'affiche, je ne voulais pas qu'ils incarnent la bande dessinée. J'ai donc eu cette idée d'allégorie, une caisse sur laquelle reposeraient les couvre-chefs de mes plus célèbres personnages, comme une invitation à venir prendre leur place. Cette caisse, c'est la bande dessinée, c'est Angoulême, c'est l'imaginaire, c'est ce que vous voulez, et c'est surtout une invitation à jouer. L'idée me plaisait bien, mais sans personnage, elle pouvait éventuellement aboutir à une image un peu vide, voire un peu triste. J'ai donc décidé d'étirer le décor vers le cinémascope et de glisser dans le décor 1 ou 2 personnages que je ne cernerai pas d'encre pour que leur présence reste discrète. » Dans le milieu de l'édition, quelques mouvements également qui sont à signaler, notamment la maison d'édition de bande dessinée Bambou a pris le 2 novembre dernier une part majoritaire dans le capital d'Audi, éditrice du magazine Fluide Glacial, magazine dont je le rappelle fondé en 1975 par Gottlieb et Jacques Diamant. Le créateur et patron de Bambou, Olivier Sulpice, prend donc la direction d'Audi et s'appuie sur Yann Lindingre, qui est rédacteur en chef et directeur éditorial depuis 2012 de Fluide Glacial, afin, et j'ouvre les guillemets, de confirmer et prolonger la dynamique de renouvellement éditorial du magazine et des albums, fidèle à l'esprit des fondateurs. Bambou, si vous ne le savez pas, ben je mentionne qui publie entre autres Les Profs, Les Sisters, Les Petits Mythos et autres éléments. Autre mouvement, le géant des télécoms américains AT&T a annoncé le rachat de Time Warner pour 85,4 milliards de dollars, donc prête quand même un bon montant, on s'entend, presque 100 milliards de dollars canadiens. Alors, géant des médias et du divertissement, deuxième distributeur de chaînes de télévision des États-Unis, Time Warner possède notamment Warner Bros, CNN et... puisqu'on en parle ici, dans la bande dessinée DC Comics. Alors, ça veut dire que AT&T met la main sur un catalogue de premier choix avec Batman, Game of Thrones, Harry Potter, Sex and the City, Suicide Squad et le reste. Et ben donc, l'univers DC qui change de propriétaire. Et dernier mini clin d'œil, en fait, c'est simplement pour ce que je trouve chouette, des micro-éditeurs qui font leur apparition sporadiquement. Et là, il y a une librairie marseillaise qui a décidé de lancer sa propre maison d'édition. Ça s'appelle L'Antre du Snorgleu. Alors, maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée américaine classique ou nouveauté indépendante. Un premier titre sera présenté d'ailleurs au Festival d'Angoulême en janvier prochain, qui s'appelle ElfQuest. Alors voilà pour ces survols, pour ces actualités. Maintenant, on s'en va en musique avec la formation Volute et un album qui s'appelle Tales of Miami. À l'écoute de la vie en BD, on porte maintenant un regard sur une nouvelle publication qui nous arrive du côté de chez Dargo, un livre qu'on attendait tout de même depuis un certain temps. Évidemment, on en avait parlé il y a de ça quelques années lors du précédent passage à Québec de son auteur, et maintenant, ben, on a pu lire le livre et on peut maintenant aussi en discuter. Donc, l'ouvrage s'appelle « S'enfuir, récit d'un otage ». L'auteur s'appelle Guy Delisle. Il est avec nous. Guy Delisle, bonjour. Bonjour. Alors, ben, peut-être commençons par la base un peu. Donc, on parle de l'histoire du Français Christophe André, un administrateur chez Médecins sans frontières, en 1997, enlevé en Tchétchénie pour rester en captivité pendant 111 jours. Mmh. Alors, c'est un récit que vous avez eu en tête depuis votre première rencontre, ou presque, avec Christophe André, que vous avez gardé avec vous pendant presque une quinzaine d'années, pour enfin réussir à débloquer, à passer à l'étape du dessin, de la scénarisation et le reste. Alors, peut-être, qu'est-ce qui vous avait accroché sur ce récit-là, pour avoir envie au départ de le dessiner, pour avoir gardé l'envie pendant 15 ans de le dessiner? Ouais, c'est long comme projet à traîner. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais lu l'histoire de Christophe André dans le journal, donc son histoire m'avait fasciné. L'histoire d'un kidnappé comme ça qui termine pas comme les histoires de kidnappés se terminent habituellement, donc c'est pour ça aussi que je trouvais ça fascinant. Et après, lui travaillait pour Médecins sans frontières comme ma compagne, et un jour, voilà, on était à Paris et il est venu manger avec nous, donc voilà, il y a Christophe qui était là, et moi j'avais parlé de son histoire dans tellement que ça me fascinait, j'en avais déjà parlé dans Shenzhen, dans ma première bande dessinée. Il y a une case où j'évoque son histoire parce que ça m'avait fasciné, et c'est pour ça qu'on m'avait dit, tiens, justement, il est là, t'en parles dans ta bande dessinée, tu pourras le voir. Donc je me suis dit, d'après moi, il n'y aura pas trop envie de parler de son histoire, parce que souvent c'est des cicatrices, des kidnappings comme ça, c'est des moments difficiles, ils n'ont pas envie d'en reparler. Donc moi j'étais dans cette attitude là mais pendant le repas j'y pose 2-3 questions, et en fait toutes les portes s'ouvraient assez facilement. Il en parlait vraiment de façon ouverte et en détail sur... moi, je disais, je sais pas, tu pensais à quoi, tu tenais comment, et il me racontait plein de détails extraordinaires. Enfin, extraordinaires dans le contexte, parce qu'il me disait qu'il faisait... il se racontait des grandes batailles napoléoniennes, vu que c'est un spécialiste de l'histoire. Et tous ces petits détails-là, je me dis, waouh, c'est il me semblait que c'était quelque chose qu'on n'entendait pas souvent dans les récits de gens kidnappés, parce qu'après, il parle juste des endroits, du côté physique, tout ça. Mais là, lui, il me parlait comment il tenait, les exercices qu'il faisait mentalement pour tenir. Moi, je me suis dit, en bande dessinée, ça pourrait se transposer. J'ai dit, ça serait le fun, et j'en ai parlé tout de suite. J'ai dit, ce serait le fun de faire ça en bande dessinée. Il était partant. Pourtant, à cette époque-là, moi, j'avais fait juste un truc, Shenzhen. Il l'avait lu, je pense, ouais, mais voilà, il aime la bande dessinée. Puis, ouais, puis du coup, après, cette histoire-là, on l'a traîné pendant bien longtemps. Oui, puis en fait, il y a même eu une première version qui avait été faite, qui était plus un récit d'action, que tu as mis de côté avant de réussir à trouver comment tu voulais raconter ce récit-là, au final. Ouais, donc ça remonte à 15 ans, en fait, ce qui fait que mon expérience de la bande dessinée a beaucoup changé à l'époque. J'avais fait Shenzhen, je pensais pas faire des chroniques et puis des histoires autobiographiques comme ça régulièrement. Pour moi, Shenzhen, c'était une expérience intéressante, puis après, j'allais faire d'autres livres, d'autres genres de livres, dont celui-là. Je me disais, tiens, l'histoire d'un gars kidnappé, il me semble que ça serait intéressant de le mettre en bande dessinée, un récit. Mais après, je l'ai traité de façon un peu film d'action, avec beaucoup d'effets, de cadres, de lumière, d'ombre, de jeu, donc c'est... Et après, voilà, j'ai dû mettre le projet de côté parce qu'il fallait que je travaille dans le dessin animé pour gagner ma vie. Et en revenant, quand j'ai revu les pages, je sentais pas que c'était pas le bon angle d'attaque et que c'était trop spectaculaire pour quelque chose qui était finalement un récit vécu, qui a pas de besoin de voir un dessin qui prend le pas sur le récit. Ouais. Donc à un moment, je me suis fait la réflexion, après des lectures aussi de bandes dessinées, où je me suis dit, tiens, comme ça, c'est beaucoup plus intéressant d'être en retrait, d'autres lectures que j'ai faites. Et j'ai corrigé le tir, et après, j'ai pris quelque chose de beaucoup plus sobre dans la mise en scène. Le kidnapping, c'est juste presque une seule page, on le voit d'en haut, il y a pas d'effet, et je trouve que ça met le récit au premier plan, et c'est ce qui est important dans un récit qui est là, qui est basé sur une histoire vraie. Oui, puis en fait, on met littéralement Christophe André au premier plan aussi, dans la mesure où le récit, c'est son point de vue sur tout ce qui se passe. On n'en sort jamais, on reste dans sa tête. À la limite, et les seuls moments où on en sort justement de ce quotidien, de ces espaces dans lesquels il est enfermé, c'est quand lui réussit à s'enfuir dans son esprit, dans son imaginaire, justement. Voilà, d'où le titre, hein, parce que après on ne sait pas s'il va s'en sortir. Mais déjà, c'est comme il m'expliquait, quand on est pris... dans une situation où on est privé de son droit fondamental, donc la liberté, il nous reste pas grand chose. En fait, lui, il n'y avait pas de livre, pas de crayon pour écrire, rien, aucun divertissement. Donc, attaché là à un radiateur dans une pièce pendant 111 jours, on s'imagine ce que ça peut donner, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, je voulais le retranscrire, je voulais le montrer, je voulais qu'on le ressente physiquement. C'est pour ça que ça fait beaucoup de pages, mais je voulais qu'on tourne les pages. Et quitte à ce qu'on trouve ça long, mais qu'on vive avec lui cette longueur, en fait, c'était important pour moi. Donc, je voulais que le lecteur soit pas juste à côté de moi. Je voulais qu'il soit dans la tête de Christophe, que ce soit vraiment une immersion. Pour moi, c'était vraiment le cœur du récit. C'était le fait qu'il soit kidnappé, qu'on voit au début, il y a eu tout un cheminement pour l'amener jusque là. Mais après, ça se développe quand lui, il arrive là la première journée, il croit qu'il est là pour 24 heures. Après, c'est finalement un week-end, 3 jours, une semaine. Il se dit, waouh, c'est bien long. Mais en fait, il savait pas, mais il y en avait comme ça pour presque quatre mois. Donc voilà, comment psychologiquement on tient, parce que une journée ou deux, on peut encore s'imaginer. Mais à un moment donné, le temps passe. Donc lui, il lui restait quoi? C'était son imagination et les souvenirs, parce qu'on peut se remémorer les beaux jours qu'on a eus. Mais il me disait que ça, c'est un peu dangereux, parce qu'il y avait le mariage de sa sœur qui arrivait, par exemple, et là, ça veut dire beaucoup de remords, et il voulait pas sombrer. Donc, pour lui, c'était quelque chose d'assez important quand il me parlait de ça. Sombrer, ça veut dire mentalement que tout l'échafaudage mental s'effondre et qu'on tombe dans un trou et que physiquement, on se laisse aller. Et là, c'était pas bon, parce que lui, il fallait qu'il reste en éveil pour profiter des moindres petits défauts, problèmes. Si à un moment donné, il faisait une gaffe, fallait qu'il en profite, si un jour il pouvait s'échapper. Donc, il était toujours aux aguets. Oui, exactement. Puis c'est quelque chose qu'on sent, en fait. Parce que l'environnement qui l'entoure, bon, on le sent toujours dans sa perspective, mais il y a les bruits, l'environnement sonore qui est présent, on le sent décrypté, mais il y a un côté très sonore, très ambiant, le fond, dans cette bande dessinée-là. Ouais. Pourtant, le son, c'est dur en bande dessinée, ouais. Mais ça serait vraiment une trame sonore dans un film qui prendrait beaucoup d'importance. Là, j'en ai mis parce que c'était inévitable, parce que lui, il vivait attaché dans une pièce où une famille vivait. Donc, c'est ce qui est assez surréaliste à mettre en scène. Et on allait le nourrir comme un chien qui est dans un chenil, dans le fond d'une pièce. à tour de rôle, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient comme ça, qui se relayaient. Et donc lui, ben, il était habitué à tous les bruits qu'il y avait dans la maison. Enfin, il savait quand il faisait la prière, c'était des musulmans. Et donc c'était dans un camp, étant Tchétchénie, donc c'était des Tchétchènes. Et il les entendait parler. Des fois, il voyait que tiens, il y avait plus de bruit. Il y avait des gens qui étaient de passage, des enfants qui jouaient au ballon dans le corridor. Donc voilà, tous les bruits, c'était vraiment son quotidien. Ça devient un peu, avec la narration, ça devient un peu une architecture du récit, avec quelques sorties aussi, mais c'est vraiment le côté routinier qui en ressort. Ouais. Et même, en fait, dans l'organisation des pages, en fait, je pense que c'est pas mal du 4x3, si on peut dire. Souvent. Sur les pages, c'est la même grille, voilà, que tu t'imposes aussi, côté structure. Voilà, un gaufrier, comme ils disent souvent, là, avec la même type de case, à moins qu'on demande un point de vue un peu spécial, mais je voulais rester sur quelque chose qui représentait, voilà, quelque chose de régulier, de routinier, de répétitif, pour qu'on voit un peu ce que c'est, avec toujours des éléments du quotidien qui sortaient un peu du lot, qui étaient vraiment étonnants dans un contexte où lui, il n'y a pas sa vie. Enfin, il y avait la jeune femme qui venait faire le ménage une fois de temps en temps, qui croisait, et comme c'est une Tchétchène, lui, il était torse nu avec le mari, ça posait des problèmes. Donc voilà, il y a aussi une situation familiale qui était un peu... Tout ça devient très surréaliste quand il me le racontait. Donc j'essaie de le transmettre le plus fidèlement possible. Et moi, j'avais pas envie de juste écrire, voilà, 3 semaines plus tard, dans une cartouche, et là, on le voit, sa barbe est un peu plus longue, et on se dit, ouh là là, 3 semaines n'est pas assez. Non, moi, je voulais que chaque étape, on les ressente physiquement pour qu'à la fin, voilà, on se dise, voilà, comment on fait pour tenir, et qu'on voit l'évolution, parce qu'à un moment, il devient un peu plus combatif, il refuse certains trucs, il dit non, moi je rentre pas là-dedans. Quand il commence à être gentil avec eux, on dirait qu'il commence à glisser vers un espèce de syndrome de Stockholm, à être trop gentil avec eux, à les remercier le soir en leur disant bonne nuit. À un moment, il se voit en train de leur dire bonne nuit, il se dit mais attends, qu'est-ce que tu fais, en fait? T'es attaché à un radiateur et tu dis bonne nuit à des gens qui te retiennent prisonnier. Donc, à partir de là, il est revenu. Il est passé un échelon où il est rentré en résistance envers ces gens-là. Et moi, je trouvais ça passionnant. Ça décrit un peu comment on peut tenir dans une situation qui est aussi loin, tellement loin de notre quotidien. En fait, nous, on vit dans une telle ouverture, une telle liberté, que d'être complètement privé de ça, c'est vraiment la base, le fondement de notre vie, de nos espoirs, de tout. En fait, tout est basé là-dessus. Puis, en fait, tu mentionnes l'aspect, puis c'est frappant, l'idée que, justement, il y a plusieurs personnes qui sont conscientes qu'il est là. Il y a un enfant, mané, qui ouvre la porte, qui le regarde, un aîné qui vient. Ça devient un peu une bête de foire. Je pense que c'est justement l'otage qui est dans son coin, qui est menotté, qu'on vient wairer. Il s'imagine les conversations des geôliers, des gens qui le gardent captif, là, pour aller le nourrir, ah ouais, tiens, ce week-end, l'otage, et je pourrais pas le nourrir, tu peux t'en occuper, oui, pas de problème, qu'est-ce qu'on lui donne à manger, c'est toujours la même chose, hein. Il y avait toujours, de toute façon, le bouillon de légumes avec un bout de pain, et de temps en temps, il me disait, il y avait un omelette, et des fois un petit morceau de viande, et là c'était le meilleur moment de la semaine, et il me décrivait ça un peu avec les larmes aux yeux, et j'ai essayé de le retranscrire ça aussi, parce qu'à un moment, voilà, il y a des moments où la bouffe change un peu, et c'est là où on voit l'importance de la nourriture. Et j'ai l'impression, justement, de par la constance dans les éléments, dans le dessin, surtout toute la période où il est dans l'appartement enchaîné, attaché au radiateur, les murs sont blancs, ben si on renverse la soupe, s'il y a une omelette frite, ben subitement, c'est un grand élément de changement, parce qu'il y a tellement de constance pour le reste. Une routine qui rend presque fou, en fait, parce que lui, chaque jour était le même, et il attendait impatiemment, comme il me décrivait, le matin, il se levait extrêmement démoralisé parce que il s'était rien passé de la nuit, parce que s'il se passait quelque chose, on le déplaçait, ça serait pas en plein jour. Donc il savait que le jour, fallait qu'il attende. Et là, il voyait devant lui un autre 12 heures, un autre 24 heures à attendre. Et l'espoir augmentait, et jusqu'à la nuit tombée, il disait, ça y est, c'est peut-être cette nuit. Parce qu'à un moment, il va bien falloir que ça change. Ça va pas rester comme ça tout le temps. Sauf qu'à un moment, il me disait, on calcule en termes de jours. Après, c'est en termes de semaines. Et à un moment, on commence à calculer calculé en termes de mois. Il dit, bon, j'ai fait le mois d'août, le mois de septembre, en octobre, ça devrait se résoudre. Et après, on se dit quoi, novembre, et après, il y a Noël. Donc, il y a des mots comme ça qui évitaient auxquels il évitait de réfléchir. Le matin, il disait, voilà, faut pas que je pense au mariage de ma sœur qui arrive. Donc, c'est quelqu'un de très, très méthodique. Et j'aime bien l'idée de la temporalité des éléments de mesure dans sa perception du temps, parce qu'on le sent, je trouve, en fait, dans S'enfuir, dans la mesure où au début, en même temps, t'établis un peu la routine. Donc, la première journée, on la suit pratiquement d'heure en heure, de minute en voilà. minute. Mais plus ça va, plus on joue avec les ellipses, plus on étire aussi la temporalité, parce que de toute façon, on assume que la routine ne change pas. Voilà. Et on a compris la routine. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, sa perception du temps, elle aussi, en vient à changer. Oui, et c'est quelque chose que je me disais, on peut le faire en bande dessinée, ça, parce que dans un film, faire passer le temps et montrer que c'est long et qu'on s'ennuie, il y a des chances qu'on s'ennuie. Alors qu'en bande dessinée, on est le maître du rythme. C'est nous qui tournons les pages et c'est très différent du cinéma, en fait, ou de tout ce qui peut être, ou d'un documentaire. Et je savais que, voilà, comme c'est imposé par le lecteur, le rythme, je pouvais y aller, je pouvais en mettre. Parce que moi-même, dans des récits que j'ai lus très très longs, je me sentais dans cette situation-là où je pouvais contrôler le temps et ça change beaucoup de choses. Et je voulais pas que le lecteur s'en sorte aussi facilement. Je voulais que même s'il tourne les pages, qu'il se sente suffoqué là-dedans. Parce que c'était très tentant de faire une histoire où aussi, et pendant ce temps, à Paris, on s'arrache les cheveux pour essayer de le sortir de là, de multiplier les contacts. Et ça, j'avais les documents de ça. Mais je me suis dit, non, je veux qu'on reste avec lui pour qu'on vive cette expérience très difficile, mais la vivre le plus près de ce qu'il a vécu. Moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait là-dedans. Oui, puis en même temps qu'on puisse sentir le temps qui passe, on parle de dessin, on est dans des salles obscures, il y a des filets de lumière, donc il faut qu'à travers aussi même ton choix de teinte, qu'on puisse sentir qu'on est la nuit, qu'on est le jour, mais obscur, qu'on sente aussi visuellement le temps qui passe. Ouais, et je voulais pas dire, voilà, 3 jours plus tard, 2 petits points, et après, sa barbe poussée, et on voit ça, non. Fallait que ça soit physique, et c'est pour ça que ça fait beaucoup de pages, parce qu'on tourne les pages, mais on s'en sort pas aussi facilement, ouais. Faut qu'on soit dans l'immersion. Ouais. Oui, dans les teintes et le reste. Après, moi, j'ai choisi de faire une bichromie parce que lui, Christophe, il me racontait qu'il était dans une pénombre presque complète, mais je ne me sentais pas de faire une pénombre pendant tout l'album. Donc, il y avait quand même des fluctuations. Moi, je les ai fait assez claires pendant l'après-midi pour montrer que c'était la journée et qu'après, petit à petit, ça tournait vers le soir. Donc, on a vraiment toute une teinte de gris qui monte, qui descend, avec une couleur qui est fixe. Donc, je voulais aussi quelque chose de très, très simple, de dépouiller parce qu'il était dans un dépouillement. Le dessin aussi est très dépouillé, c'est juste un petit trait. Je voulais pas jouer avec des effets de noir, des choses comme ça, avec aussi un texte, une petite mon alphabet là-dessus est écrit à la main, presque tremblotante. Et voilà, donc un dessin pas tremblotant, mais très fragile, comme il était lui dans cette situation. Donc tout ça c'est des choix graphiques, voilà, qu'on prend au début et après faut les suivre. Puis dans le fond, c'est ça, je trouvais ça intéressant aussi, le recours vers justement cette temporalité-là qu'on suit, dans la mesure où même pour lui, on sent, et dans la façon que vous avez choisi de le mettre, t'as choisi de le mettre de l'avant, ben la temporalité pour lui est importante aussi, le fait de savoir quel jour on est. Ouais. À chaque jour, c'est une victoire. Et en cours de route, quand ça devient confirmé, ça devient une grande victoire, dans le fond, ouais, de pouvoir avoir réussi à suivre cette temporalité-là aussi. Ah oui, quand il me le racontait, c'était vraiment un moment fort où il a pu enfin... parce qu'il me disait, et ça, je voulais pas l'expliquer dans le livre, je voulais qu'on le ressente. On le voit bien, chaque matin, il est là aujourd'hui, on est jeudi le 16 septembre, jeudi le 16, il se le répète plusieurs fois. Il me disait, en fait, je savais pas où j'étais, je savais pas pourquoi j'étais là et combien de temps j'allais rester. Le seul repère que j'avais, c'était la date. Et ça, je voulais, il s'y accrochait comme une bouée, vraiment, parce que des fois, il disait, attends, hier, on était le 15. Enfin, il dit, non, aujourd'hui, 16, il faut vraiment que je me tienne à ça. Et quand il a pu, 3 mois et demi après, avoir un journal dans les mains et comparer le jour et revenir et se dire, oui, il a tenu le temps d'une façon régulière et il était sur la bonne date. C'était une grande victoire. Et de la façon dont je l'ai illustré, voilà, il est dans son lit complètement attaché, perdu, mais il est là, ouais, yes, tout content. Mais c'est drôle parce que dans un contexte où on est enfermé, on est perdu de toute liberté, de tous nos moyens, comme il me dit, il devenait un objet, en fait, on le déplaçait là, il n'y avait aucune décision était prise par lui, tu vas pisser à ce moment-là, tu vas là, on ferme la lumière. Et là, malgré tout ça, il y a des moments de petit bonheur, voilà, de petite liberté aussi. À un moment, on avait oublié de l'attacher, par exemple. Donc une nuit, sachant que la porte était fermée, il peut pas sortir. Bon, il check quand même, mais il se lève, il touche au mur du fond, et c'est quelque chose qu'il avait jamais fait. Donc il se dit voilà, de toucher le mur du fond pour la première fois, ce mur qu'il voyait depuis des semaines. Il dit non, ça a été un grand moment de voilà, un frisson, un petit frisson de bonheur. Des petites victoires en fait essentiellement. Voilà. On va chercher tout ce qu'on peut. En fait, c'est l'impression de victoire. Ouais, exact. Tout à fait. Ouais. Et quand il me le racontait, voilà, on était au restaurant, il y a une quinzaine d'années, et encore aujourd'hui, on fait de temps en temps des présentations ensemble, et la façon dont il raconte son récit et tout, je me retrouve exactement comme j'étais il y a 15 ans. J'écoutais, je me dis c'est vraiment fascinant, parce qu'il a beaucoup analysé. Par contre, on dit voilà, il se sent pas une victime, par exemple, parce qu'il dit quand on est victime, c'est parce qu'on a perdu quelque chose. Mais lui, dans cette histoire là la façon dont ça se termine et quel le dénouement final, il s'est senti, il s'est dépassé, il a franchi des étapes qu'il aurait jamais franchi dans sa vie autrement, et il se dit donc j'ai rajouté quelque chose à moi, ça a permis de me grandir d'une certaine façon. C'était dur, mais il se sent pas avoir perdu quelque chose. Donc il se sent pas victime. Donc voilà, il a une façon d'analyser, il est très posé, très analytique, et ça se voit dans le livre, la façon dont il dit aujourd'hui j'essaie, faut pas que je pense à ça, de trier ses pensées, ça paraît assez surréaliste, mais voilà, il arrive à tenir comme ça. Et je pense, en fait, j'ai l'impression qu'on va chercher justement avec la quantité de détails, la quantité d'impressions, mais que ça rend possible justement l'immersion dont on parlait tout à l'heure. En fait, avec ce niveau de détails-là, on peut aller jusque-là, on peut vraiment créer une immersion. Il n'y aurait pas eu autant de générosité de sa part pour te nourrir, mais on n'aurait pas eu cette expérience-là. Non, parce que la générosité vient du fait que, voilà, on a travaillé à MSF, ma compagne a travaillé avec lui parce qu'ils étaient tous les deux dans le domaine de l'administration. C'est quelqu'un que j'ai revu souvent, on s'est lié d'amitié. Donc on a passé des bouts de vacances ensemble, et je lui disais régulièrement ouais, allez, cette année je vais essayer de me mettre sur l'album et tout, et bon, il attendait pas après. Si je le faisais, il était content, parce qu'il aimait mon travail en bande dessinée, il était ravi que ce soit moi qui ait envie de raconter son histoire. Lui, il avait pas raconté du tout, en fait. Il avait fait cet article de journal. Et puis après, on l'avait sollicité pour passer à la télé, pour témoigner, mais il n'avait pas voulu. Il était retourné travailler dans l'humanitaire après. Et voilà. Donc après, moi, je suis venu quelques années après lui proposer ça. Il était partant, mais ça serait pas fait. On n'aurait pas connu son histoire. Et puis ça le dérange pas plus que ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui prend ça. Il a pris ça de façon très simple après. Ouais. Et parallèlement, en fait, les gens qui vont découvrir S'enfuir, Guy Delisle, au fil des pages, vont peut-être avoir aussi d'autres types de pensées, du genre le dessinateur, d'un côté, donc, qui a eu aussi cette répétition, dans le fond, pendant, j'imagine, plusieurs mois, vous avez dessiné essentiellement un décor relativement similaire. Et peut-être aussi pour les collègues d'atelier qui vous voyaient aller et qui disaient, ben, OK, tu sais, encore ce matin, la lampe, le radiateur, le gars en torse nu, puis OK, c'est ça, tu vas dessiner ça pendant combien de temps encore, là? Parce qu'on partage un scan en commun, en fait, et tous les papiers de scan que je laissais sous le scan, qu'on se ramène chacun, ça c'est à toi, bon, tu l'as oublié là-bas. Et voilà, il y avait Dominique qui travaille avec nous là-bas, qui me dit, mais attends, mais ça fait un an que tout ce qu'on voit sur le scan que tu fais, c'est un gars attaché à un radiateur. Et c'était un moment où j'en pouvais vraiment plus. J'ai dit, mais tu veux pas savoir à quel point j'attends qu'on lui file dans l'histoire. Un moment en septembre, il fait un peu frais, on lui donne une chemise, et j'étais trop content quand il a enfin une chemise, parce que j'avais fait déjà plus d'une centaine de pages de lui torse nu dans cet endroit qui était voilà. Et voilà, c'était aussi un moment où je me sentais un peu comme Christophe, attaché à ma table à pousser ce récit, à le faire avancer. Mais bon, il était construit comme ça, je pouvais pas faire autrement, et je savais que son histoire était comme son histoire était forte, voilà, le dessin était en second plan, et ça allait, voilà, ça allait tenir. Et les petits détails, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me font pas peur, parce que Chronique de Jérusalem, Chronique Birmane, Shenzhen, et puis tout ça, c'est basé sur du petit détail. En fait, je suis pas là à raconter la grande histoire. Je me promène dans les rues de Jérusalem, et puis je vois les poubelles, et je peux en faire 3-4 pages. Et voilà, moi, les tout petits détails, c'est vraiment comme ça que mon observation et mon imagination se nourrit et fonctionne. Ouais, j'arrive à travailler avec ça, et ça me paraissait pas un problème de les aligner un après l'autre pour en faire un grand récit. Ouais. Et en même temps, il y a toujours l'idée de la mise en scène, en fait, de la physionomie. Donc, OK, il y a la main attachée, il mange, comment il réussit, quelle position il va dormir, il va se réveiller, bon, avec toujours en étant attaché à ce radiateur-là. Donc, est-ce qu'on essaie de voir un peu côté comment on peut animer, dans le fond, un peu cette personne-là, on peut, pour qu'elle soit pas toujours exactement dans la même position non plus? C'était assez limité, en fait, parce que le fait qu'il soit attaché, à un moment, je me disais, bon, il faudrait qu'il soit en colère, à un moment, il fallait qu'il était vraiment déprimé quand il a appris qu'on voulait l'échanger pour une somme astronomique. Ça l'a vraiment atteint, et il a déprimé comme ça pendant plusieurs jours. Et voilà, donc je l'ai dessiné la tête entre les mains comme ça, mais penché contre ses genoux, mais en fait pas possible, il a une main attachée, donc la tête entre les mains mais juste avec la main droite, ça marche pas. Donc au niveau de l'expression, c'était très limité, c'était assez difficile. Voilà, fallait trouver des positions qui étaient un peu inhabituelles par rapport à ce qu'on aurait graphiquement le réflexe de faire. Donc il y avait ça d'une part. Après bon, les angles, à un moment, on a beau essayer de les varier. À un moment, savoir si on essaie de les varier juste pour les varier, ça va ressembler à du manga, où voilà, le gars il parle, est un espèce de contre-plongée immense qui sert à rien finalement. Donc voilà, moi je voulais que quand il y a un gros plan, c'est que ça soit utile. Probablement parce que je viens du cinéma d'animation et on s'amuse pas à faire des gros plans pour faire des gros plans. Il faut que le cadre parle. Et voilà, quand il s'évade et que là, il va peut-être ouvrir la porte ou pas l'ouvrir et qu'il se prend et qu'il réfléchit et qui s'approche de la porte, là voilà, là on a besoin d'un gros plan, mais bon, ça c'est au bout de 350 pages. Oui, parfait. Puis ou dans ce moment-là, ben c'est plutôt l'inverse, où la temporalité du récit se rétrécit, on y va voilà. par plus de détails, où là subitement c'est le rythme s'accélère aussi, on dirait que parce que le récit s'accélère, notre battement de cœur de lecteur s'accélère aussi, puis on tombe dans une autre ambiance là, complètement. Voilà. Et il y a ces bulles qui font presque des battements de cœur, où il réfléchit de façon très saccadée, comme je l'ai imaginé, en état de stress. Et curieusement, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu à une lecture à Paris, qui avait vécu le Bataclan, fait, qui m'a dit que ce récit lui a fait du bien, parce qu'elle s'est retrouvée déjà d'une façon kidnappée, parce qu'elle était dans la tuerie du Bataclan, et surtout quand elle s'est échappée, où elle voyait toutes ces bulles de pensée comme ça, où elle s'est retrouvée aussi. C'est étonnant d'écrire une bande dessinée et de toucher quelqu'un qui vit quelque chose d'assez différent, mais qui très très près, finalement, dans le temps et dans l'espace. Bon, ça fait plaisir de faire de la BD, que ça puisse servir comme ça. Effectivement. Puis en même temps, en parallèle, ce moment-là, j'avais perçu aussi un peu en lien avec les armées, parce que, bon, on l'a mentionné, pour s'évader un peu en esprit, imagine les batailles napoléoniennes, c'est un féru d'histoire militaire, alors qu'il y avait un peu le côté stratégie, dans le fond, qu'on a bien établi dans le récit. Ouais. Qui devenait appliqué quand c'est on arrivait ça. Là, qui avait comme le stratège, la compréhension des lieux, puis qu'on sentait pas qu'il allait se lancer à bras raccourcis là-dedans, mais qu'il allait plutôt y aller par étapes comme un bon stratège. C'est ça. De quelqu'un de réfléchi et d'assez posé, et en état de stress aussi, d'être aux aguets, c'était encore plus présent, c'était plus aiguisé peut-être, ses sens, et comme on le serait tous en état d'adrénaline et tout, d'essayer de s'évader, en fait. Évidemment, le cœur et l'adrénaline est à fond, donc voilà. Et il y a des moments assez curieux, parce que à un moment, il traverse la cour dans cette tentative de s'échapper, et il m'a rappelé, quand je l'ai dessiné, qu'il y avait un petit jardin dans le coin à droite et qu'il y avait des plants de tomates, en fait. Et il a franchi en une fraction de seconde cet espace, mais il a quand même vu qu'il y avait des tomates, et ça s'est imprimé dans son esprit, et j'ai tenu à le mettre, en fait, dans le livre quand même. Ah, jardin, tomate. Et en même temps, c'est tous les éléments, dans le fond, qu'on présente là-dedans viennent servir, dans le fond, viennent construire ce moment final-là. Dans la mesure où on établit les trucs de Napoléon, mais ça sert pas juste à une évasion, ça amène vers, l'attente amène vers... Oui, et c'était assez étonnant. C'est quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire, il est féru d'histoire, mais beaucoup d'histoire militaire, il connaît grandes batailles par cœur. Et s'enfuir, c'était beaucoup ça, parce qu'on s'enfuit avec l'imagination. C'est tout ce qui nous reste. Il nous reste nos souvenirs et l'imagination. Et il y avait, par exemple, chacun le fait à sa façon. Lui, c'était par les histoires et les histoires militaires qu'il connaît. Par exemple, il rêverait de venir à Québec. Je pense pas qu'il est venu à Québec, il me racontait, parce que il connaît par cœur l'histoire des plaines d'Abraham. Donc, faudrait un jour qu'il passe à Québec quand je suis là, qu'on se balade là-dessus. Et Kaufman, qui était qui avait été kidnappé au Liban pendant 4, 5 ou 6 ans, j'en rappelle plus. Donc lui, il vient du coin, de la région de Bordeaux, et il adore le vin. Et pendant qu'il était kidnappé, il racontait qu'il se faisait tout le bordelais avec les cépages de chacun des régions du bordelais, et c'est assez compliqué la carte, et il se refaisait la carte comme ça, en faisant travail, et ça l'occupe pendant le temps qu'il faut, un peu comme Christophe qui se faisait aussi l'alphabet avec tous les généraux d'empire, et les bagarres militaires, donc ça le tenait pendant une demi-journée. Oui, parce que ça reste un défi en fait à travers tout ça, c'est qu'il faut représenter l'ennui, un peu comme dans Shenzhen, dans le fond, le parallèle se fait bien, où dans le fond, c'est un ennui plus par manque de communication, dans le fond. Oui, d'isolement. Et là, il y a cet isolement-là, mais en plus, il y a l'enfermement, mais ça reste le même défi. Comment on représente quelqu'un qui essentiellement s'ennuie, mais s'ennuyer le lecteur, évidemment. Ah oui. Donc ça, c'est aussi l'équilibre à trouver à travers tout ça. Tout à fait. Un peu comme il y avait dans les livres de Chroniques de Jérusalem, où là, l'équilibre devait se trouver entre des informations un peu plus sérieuses qu'on donnait, avec quelque chose de peut-être un peu plus poétique après. Mais là, il y avait beaucoup de variété. C'était plus facile. Mais il fallait quand même rythmer tout ça pour que le lecteur tourne les pages et qu'il a envie de continuer. Donc ça, c'est le boulot du narrateur, c'est faire tourner la page. Et pareil pour s'enfuir. Là, je prends plus de risques, évidemment. Mais quelqu'un me disait l'autre fois que j'avais fait un suspense minimaliste. Et je trouve que ça décrit pas mal le truc, en fait. Parce que le fait qu'il soit kidnappé, forcément, on se dit... est-ce qu'il va s'en sortir, et surtout comment ou par quel moyen. Et donc, disons que le suspense se met assez facilement, et après, il faut l'entretenir un petit peu, mais bon, c'était son récit à lui, donc je peux pas en inventer, je peux pas me zigzaguer à l'entour de la vérité, donc je le mets comme il est arrivé. Et ça se faisait un peu tout seul, un peu comme je faisais avec les Chroniques de Jérusalem. Je revenais sur toute la chronologie que j'avais fait sur son récit. Et je me disais, ah oui, aujourd'hui, il entend des bruits, ou il y a quelqu'un qui est venu, et puis ils ont pris une photo. Donc c'est pas le gros storyboard qu'on fait à l'avance, on y va plus à... Eh ben, ça, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait, c'était la deuxième tentative pour faire ce livre. J'ai écrit 300-400 pages en storyboard rough, comme ça. Mais ça marche pas, en fait, parce que on est dans une continuité, et alors que celui-là, ce livre-là s'est construit, j'arrivais à l'atelier et je revenais sur la chronologie, je me disais, ah oui, aujourd'hui il va penser à ça, et ça se faisait petit à petit, en fait, un peu comme Christophe l'a vécu presque jour après jour. Parce que d'écrire des petites bulles de pensée, quand on fait un récit, on est plus dans les grandes lignes. Et ce récit se construit vraiment aux petits détails, aux grains de sable près. Mmh. Alors que, et du coup, le 300-400 pages que j'avais écrit comme ça, au début, je l'ai lu, mais finalement, ça me servait à rien, donc je l'ai laissé de côté, il traîne dans mon atelier. Ben, à la limite, en fait, quand le côté minimaliste ressort un peu dans la mesure où le récit est assez droit, dans le fond, en termes, on pourrait résumer le récit en une phrase, deux phrases, sur l'action, à tout le moins, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est très psychologique. Et en même temps, c'est le plus gros tirage, dans le fond, pour le récit le plus court, dans l'absolu. Oui, c'est vrai. En termes de nombre de pages. Oui, mais après, moi, le récit, c'était comment on tient psychologiquement dans une situation aussi dure, aussi difficile. Puis c'est ça qui fait que c'est le côté fascinant, justement, ce qui fait qu'on a envie de le lire ou qu'on a envie de le raconter, c'est ce qui ajoute, comme on dit au départ, à ce qu'on a eu moins l'occasion de découvrir ou de lire en matière de récits d'otages. Après, il faut s'identifier au personnage. Mmh. Mais moi, bon, un humanitaire qui, après sa première mission, au bout de 3 mois, se fait kidnapper, je me sens vraiment en empathie avec lui. Mais bon, ça marche peut-être pas avec tous les lecteurs, en fait. Mais moi, ça s'installe assez facilement. Et quand Christophe m'a raconté son histoire, ça me fascinait. Donc, j'ai voulu le transposer. Et est-ce qu'il y a eu un peu d'aller-retour avec lui pendant le travail? Oui, bien sûr. Oui, je lui faisais lire les au fur et à mesure, et d'ailleurs ça me soulageait d'un poids, parce qu'au début je me disais, qu'est-ce qui s'est dit exactement à ce moment-là, j'en avais aucune idée, mais c'est certain qu'il y a des ensembles d'idées qui ont dû lui passer par la tête, ce qui fait que bon, je me dis, allez, les premières pages j'étais assez bloqué, mais après ça arrive souvent chez les romanciers qui racontent des récits comme ça, ils passent tous par ce blocage-là. Mais après que j'ai écrit 10-15 pages, je lui ai fait lire et qu'il revient sur un ou deux détails, je me suis dit, ça va, je suis vraiment dans la bonne direction. Après, voilà, il lisait toutes les pages, il revenait, il m'a refait faire pas mal de trucs, des petits détails. Des fois, c'était un petit détail, mais qui était sur beaucoup de pages, donc c'était un peu long à reprendre. Et il y a eu un peu de tout. Et jusqu'à la fin, ouais, je voulais pas qu'il y ait de surprise. Moi, je voulais que quand Christophe reçoive le bouquin par la poste, qu'il l'ouvre et qu'il se dise... Que le mythe puisse le prendre et dire, ben, mes enfants, voici ce que j'ai vécu. Eh bien oui, sa sœur et sa famille, et ben ses sœurs et son frère. Sa sœur m'a écrit un petit mot pour nous remercier, parce que c'était une histoire qui était dans la famille. Évidemment, elle s'est mariée, il n'était pas là. Et que maintenant, voilà, ça donnait une image, ça donnait quelque chose de beaucoup plus concret à tout ça. Ouais. Et pour lui, ouais, c'est bien. Pour ses enfants qui ont suivi ça aussi pendant que je le faisais, il a un petit enfant qui suivit ça de près, et ça le passionnait. et en terminant, Guy Delisle, en fait, précédemment à S'enfuir, c'est surtout des petits ouvrages, Les Guides du mauvais père, donc plus léger, donc un peu comme une, je recevais ça un peu comme une pause, des albums un peu plus denses. Est-ce que après ça, c'est d'autres petits trucs plus légers, ou on reste dans le dense? Non, fort probablement, non. Après, ou un récit pour enfants? Ça va être souvent comme je fais, des histoires courtes. Après, je fais des histoires courtes que j'envoie des fois dans des magazines, ou des fois, ça marche, c'est une idée de narration qui marche pas très bien, je la laisse dans le fond d'un tiroir et ça bouge plus. Et Les Guides du mauvais père, voilà, je l'ai mis sur mon blog, j'en ai fait un, j'ai reçu plein d'échos de papa qui se sentait un peu moins seul, et ça m'a fait du bien, j'en ai fait 2-3, et après, voilà, mon éditeur s'est dit, on préfère un livre avec ça, et ça a pris, on a fait 3 volumes. Mmh. Et donc, voilà, maintenant, je vais faire aussi ce genre de trucs, enfin, des petites histoires, parlant pour enfants, et pour me détendre un peu. Et on varie les formes un peu. Voilà, et on verra, des fois. C'est un peu comme quand je travaillais dans les histoires courtes pour Le Lapin, en fait, parce que finalement, en Shenzhen, mes récits de voyage ont commencé comme une histoire courte qui était dans le magazine Lapin, et c'était 16 pages, et après, j'ai continué à en faire une deuxième tranche, et à un moment, on s'est dit, on pourrait faire un livre avec ça, mais c'était pas élaboré comme un livre. Donc c'est une forme, moi, qui me plaît beaucoup, d'essayer, de voir, de le publier. Bon, maintenant c'est beaucoup par le blog, et après de continuer ou pas. Oui, ça permet de risquer, en fait, de voir, d'essayer, puis de voir si on a envie aussi, dans le fond. Voilà, ça permet, oui, ça permet de faire plein d'expériences. Et d'ici là, évidemment, on lit, on découvre, donc S'enfuir, je rappelle, récit d'un otage, donc c'est de Guy Delisle chez Dargaud. Guy Delisle, merci beaucoup. Merci. Toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. On poursuit cette émission, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez trouver l'ensemble des émissions au fil de nos désormais 6 saisons en balado-diffusion. Vous pouvez les trouver sur lavieenbd.wordpress.com. On vous invite également à visiter mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, ben voilà pour ces regards sur les lieux où trouver des extensions à l'émission. Passons maintenant à quelques activités qui s'en viennent cette fin de semaine, en fait. Une en particulier, Club de lecture 4x4 qui reprend du service, une initiative de la Shop à Bulles et de la Maison de la littérature. La prochaine rencontre a lieu ce dimanche 13 novembre à 10h30. Et comme à l'habitude, en fait, on aime bien en profiter pour nous donner des suggestions de livres. et voir un peu ben, qu'est-ce que la gang de la Chape à Bulle justement nous propose côté lecture. Alors pour nous parler de ce premier club de la saison 2016-2017, ben Jeff est avec nous. Bonjour. Salut Raymond. Alors Jeff, en fait, ben, peut-être d'emblée deuxième année du club, ça a bien fonctionné la première année. Oui, ça a bien fonctionné. Écoute, c'est sûr qu'on n'a pas eu 50 personnes, mais l'idée c'était pas de faire un club avec énormément de gens, une quinzaine de personnes maximum. C'est ce qu'on avait besoin, c'était l'idéal. Puis aussi le temps de faire le tour de table, donc on peut pas se permettre vraiment avec beaucoup plus de gens. Mais oui, ça a super bien fonctionné. On a toujours eu le même noyau dur, je dirais, de lecteurs qui sont revenus, puis qui ont ramené aussi d'autres gens en plus. C'est sûr qu'on peut se permettre aussi d'avoir des gens qui sont des auditeurs libres, tu sais, des gens qui n'ont pas nécessairement lu les albums, mais qui veulent en apprendre sur les quatre propositions. Et justement, pour un auteur aussi, dans le fond, est-ce que ça te donne une opportunité, toi, de revenir sur des lectures, d'essayer de réfléchir au travail de d'autres auteurs? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Oui, comme? Oui, parce que justement, il y a des albums qu'on choisit, qu'on se dit, ah, ça serait bon de faire lire ça, en se disant, parce que c'est un album qu'on a lu il y a fort longtemps, puis on redécouvre finalement cet album-là en faisant la suggestion, parce qu'on le relit nécessairement. Et puis, c'est là, on découvre, bon, que, bon, certains albums ont moins bien vieilli que d'autres, première des choses. Puis des fois aussi, on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de lecture qu'on avait passé à côté à l'époque, puis que là, on redécouvre l'album. Oui, parce que toi, dans le fond, et les collègues de la Chape, dans le fond, vous proposez les albums, puis après ça, il faut que vous animiez les discussions, faut que... Exact. Puis en même temps, on a aussi toujours un thème différent à chaque fois qu'on choisit un thème. Bon, comme moi, par exemple, pour la première saison, j'avais choisi les grands peintres. Donc, c'était quatre albums qui portaient sur des peintres, des artistes célèbre. Cette fois-ci, ben là, c'est la nourriture, la bonne bouffe, la gastronomie. Et justement, choix de thème, c'est un peu... on trouve deux, trois albums. C'est vraiment nos coups de cœur, c'est ce qu'on a envie d'explorer. C'est chacun choisi. Hein. Ben en fait, peut-être justement, on pourrait voir les quatre albums que tu proposes en lecture. Et comme j'ai un peu d'entrée juste, je trouve ça toujours intéressant parce que c'est des idées de lecture aussi qu'on propose. Ouais. Ici, alors, on extensionne votre club un peu. Ouais, exact. Première suggestion, c'est Délice, ma vie en cuisine, Niley, de Lucie Niley, en fait. Oui, Niesley, ça se dit. Niesley, oui. Donc, une Américaine qui en est à son, je crois, son deuxième ou troisième album, là. Donc, c'est pas quelqu'un qui roule sa bosse depuis longtemps. Et puis, donc, c'est une Américaine qui a décidé de faire un récit autobiographique, mais toujours avec, je dirais, des idées de souvenirs culinaires. Donc, raconter sa vie, mais avec l'aspect bouffe, l'aspect nourriture. Donc, l'idée de la mémoire gustative. Oui, oui. Puis, en même temps, ben, elle met dans son album, à chaque début de chapitre, des recettes qu'on peut essayer, qu'on peut... C'est tellement bien décrit, bien raconté, c'est simple, c'est une lecture là qui coule de source, on n'a pas à se casser la tête. Puis en même temps, ben les recettes sont géniales. Moi j'en ai essayé quelques-unes, mais en fait ma femme m'a essayé quelques-unes. Entre autres une recette de biscuits aux pépites de chocolat qui est la meilleure recette de biscuits au chocolat au monde. Oh. Et en même temps, je trouvais intéressant l'idée d'associer la nourriture avec des souvenirs, avec des ambiances, parce que c'est pas nécessairement évident par le dessin, par le médium BD de transparaître, de partager l'expérience alimentaire, dans le fond. Ouais, ben des fois ça fonctionne bien, des fois on salive à voir les dessins, d'autres fois c'est plus intéressant ou plus instructif que ça nous met pas nécessairement l'appétit, mais c'est toujours super intéressant. C'est toujours, moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec les souvenirs d'enfance, les goûts de notre enfance, puis justement de se remémorer ça. Ça reste nos souvenirs les plus vivaces. En fait, comme ouais, quoi, enfin, je veux dire, on sent une odeur, puis ok, les odeurs, les saveurs, c'est quelque chose qui rappelle souvent des souvenirs très très forts. Est-ce que tu vas apporter des biscuits au chocolat? Je sais pas encore, mais ça va dépendre du temps que j'ai. Alors ça c'est le premier livre dans le fond, donc un côté autobiographique. À la limite, c'est un peu dans le registre aussi de Julia, puis les blogs cuisine, ouais, d'un côté, ouais, ouais. Puis avec un petit côté en même temps aussi très très personnel sur ce que vivait Lucie Niesley à ce moment-là. Dessin réaliste, Non, dessin très je dirais pas naïf là, mais un dessin un style graphique très très simple. Et deuxième style, et là on reste aussi dans un style relativement simple, très expressif aussi, oui. La baissière des fruits de Zviane. En fait, il faut dire que d'emblée, vous essayez toujours d'avoir une suggestion québécoise dans les quatre livres. Oui, idéalement, oui. Et quand on parle de bouffe, il me semble que ça reste un bon choix. tout à fait. Moi, je suis trouvé, en tout cas, j'ai découvert cet album-là. Je l'avais vu passer, je l'avais pas lu encore. Et puis là, je me suis dit, c'est le moment que justement, je découvre ce que Zviane a raconté sur les fruits. Et je connais bien le travail de Zviane, mais cet album-là, c'était une découverte pour moi aussi. Donc, c'est absolument hilarant. C'est un truc. Moi, j'ai adoré lire La bestiaire des fruits. Ça raconte, encore une fois, sous forme autobiographique, un peu l'expérience que Zviane a eue quand elle est arrivée à Montréal, la ville Saint-Laurent, en 2001. Et comment elle a réagi quand elle est arrivée dans faire son épicerie, puis tomber sur des fruits exotiques. Donc, des fruits qui, pour elle, étaient complètement inconnus. Puis, au pire de sa vie, elle a décidé de goûter ces fruits-là, puis d'en faire une sorte d'analyse sous forme de page de BD, puis d'expliquer, finalement, coter chaque fruit qu'elle goûtait. Est-ce que c'était bon? Est-ce que la texture était intéressante? D'avoir, finalement, une sorte de palmarès des meilleurs fruits au monde. Oui, parce que ce qui m'avait accroché dans cet album-là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a flashé aussi, Jeff, ouais. C'est le fait que ça pourrait tellement être standard, puis régulier, routinier, tu sais, ouais. de section en section, mais à quel point elle réussit à apporter des twists à chaque fruit, à rebondir, puis différemment. C'est ça. Oui, oui, puis c'est toujours avec un humour un peu caustique, un peu flyé, elle dérape des fois sur des sujets en parlant de ses fruits. Donc, c'est vraiment, vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment rigolé à lire cet album-là. Ouais, c'est, en fait, deux sélections à date dans l'autobiographie. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que la bouffe se prête un peu à ce style-là? Est-ce que peut-être. D'instinct, on va vers ça? Ou? Peut-être, mais dans le fond, c'est... non, ça, je pense que ça tombe comme ça, parce que j'ai deux autres albums. Oui, où on est dans un autre champ. Dans un autre registre. Je te lance tout de suite le prochain avec un truc un peu plus sérieux, si ouais. on peut dire, La passion de Dodin Bouffant, une adaptation du roman de Marcel Rouff. Rouff, ouais. Oui, donc c'est ça, Dodin Bouffant, c'est un fin gourmet. Qui ça se passe au 19e siècle. Et puis, c'est un gourmet qui partage sa passion pour la gastronomie avec sa cuisinière. Et sa cuisinière, malheureusement, décède. Et puis, quand elle disparaît, ce pauvre Dodin Bouffant, finalement, perd beaucoup toute la saveur de sa vie. Puis, est en quête d'une remplaçante. Donc c'est un album qui est dessiné par Mathieu Burnia, un Français. Encore une fois, c'est un jeune auteur qui n'a pas fait énormément d'albums. Là, je pense qu'il y a deux ou trois albums à son actif. Mais c'est dessiné dans un style graphique un peu vieillot. Qui marche super bien, ça c'est vraiment vraiment charmant comme album. On garde un peu l'esprit du 19e siècle. Oui, dans le fond. Oui, exactement. Donc il y a une petite saveur là désuète, surannée, mais en même temps ça parle de haute gastronomie, ça parle d'amour de la chair. C'est une histoire d'amour aussi là entre deux personnages. Donc il y a vraiment beaucoup de passion là. C'est le titre est révélateur là. Oui, puis en fait, puis dans le fond, on réussit encore là à transparaître l'expérience, à traverser, puis avec un bon exercice d'adaptation. Oui, puis dans ce cas-ci, moi, j'ai trouvé que cet album-ci me donnait envie de manger. OK. Ça, c'est vraiment un des albums que tu lis, puis t'as l'eau à la bouche, là. Quand ils présentent les mets, ils font une description de ce qu'ils mangent. C'est assez révélateur. Là, on se dit, OK, là, on est dans un album où est-ce que ça donne faim. Oui, c'est le genre d'album qu'il faut pas trop lire souvent. C'est ça. et le dernier, parce que, en fait, c'est de ce que j'en comprends, on va chercher quand même assez de variété, de oui. ton. Oui, oui, oui. Et le quatrième, là, on est carrément dans un classique. Je pense exact. Que tout le monde l'a lu ou presque. Le Tour de Gaulle d'Astérix. Exactement. Parce que, bon, le Tour de Gaulle d'Astérix, si je peux remémorer aux auditeurs, qu'est-ce que c'était cet album? C'était finalement les Romains qui construisent une palissade autour du village gaulois et puis qui créent un embargo disant aux Gaulois qu'ils peuvent pas sortir de leur village désormais. Et puis Astérix lance finalement une sorte de un défi. Et puis il dit on va sortir du village et puis on va faire le tour de la Gaule, puis on va vous rapporter finalement toutes les spécialités culinaires de chaque région de la Gaule. Et donc c'est un espèce de road movie là, c'est une poursuite tout le long de l'album. On passe d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Et puis finalement Goscinny a fait un clin d'œil à toutes les régions, puis les spécialités de France. Voilà, la quantité de de références là-dedans. Oui, et donc beaucoup de clins d'œil aussi culinaires selon les régions. Et c'est vraiment un album que moi, ça faisait très longtemps que j'avais lu. Je m'étais dit, tiens, ça cadre bien dans le sujet. Et jeune, je me rappelle que quand je lisais un Astérix, généralement, il y avait toujours des histoires de banquets, des histoires de bouffe, il y avait toujours des sangliers qui étaient sur le feu. Puis, ça me donnait faim. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais le relire, cet Astérix, puis je vais voir si j'ai encore cette même impression. Finalement, ça reste quand même une histoire qui a été réalisée en 1965, on s'entend. Donc, ça a plus ou moins bien vieilli au niveau de la narration. C'est très, très, très classique, très, très simple. On est habitué à autre chose aujourd'hui, mais ça se lit bien, ça se lit très bien. Puis les seconds degrés aussi de l'humour de Goscinny fonctionnent encore. Oui, en fait, c'est un récit qui est rapide. On va vraiment d'étape en étape, d'anecdote en anecdote. C'est ça, on se casse pas la tête, là, et on n'essaie pas de raconter une histoire qui est véridique, là. C'est vraiment de l'humour, puis du slash. Un joyeux délire. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, je rappelle les quatre suggestions de JF, donc Délices ma vie en cuisine de Lucie Nestlé, Le vestiaire des fruits de Zviane, La passion de Dodin Bouffan, donc de Mathieu Burnia, et Le tour de Gaulle d'Astérix de Goscinny et Uderzo. Des suggestions qui seront discutées, qui seront sujets d'échange lors du club de lecture 4x4, donc de ce dimanche à 10h30. Si vous pouvez participer aux discussions, il faut évidemment avoir lu les albums. Mm-hmm. Sinon, possibilité d'y aller en auditeur libre pour voir un peu de quoi ça retourne et peut-être de participer à la prochaine séance. C'est ça. JF, merci beaucoup. Je te remercie. Et nous, on retourne en musique, toujours avec notre formation Volute. On écoute un extrait qui s'appelle Ordalie. Dernière ligne droite, dernière minute, en fait, ou presque, de la vie en BD. Je les utilise essentiellement pour vous mentionner rapidement, une petite méthode de BD sur laquelle je suis tombé. La bande dessinée, c'est facile. Une proposition de Gilbert Bouchard, une proposition qui nous vient d'un professeur, en fait, de bande dessinée, qui essentiellement a mis en page sa méthode, une méthode qui est très directe, qui est relativement simple, somme toute, qui nécessite pas qu'on sache dessiner, mais simplement qu'on comprenne la logique, l'organisation du dessin. Exemple, leçon 1, le visage. Donc, on parle de simplicité, d'expressivité, de compréhension. On explique la forme du visage, les orientations. Après ça, on parle des expressions, les différents types de sourires. On parle des mouvements de tête qu'on peut donner. On parle du décor. Et là, tranquillement, on arrive, on crée des cases. On voit différents types de plans qu'on peut faire. On en vient à créer une planche. Alors, en 50 leçons, on réussit à bien synthétiser l'expérience de création BD, de donner des points de repère, en fait, pour ceux qui ont envie de créer une bande dessinée et de la créer de manière un peu mieux organisée que simplement de se lancer au hasard. Donc, c'est une belle suggestion. En fait, j'en parle pas très longtemps parce que je veux pas ces genres de choses. Je vous dirais, feuilletez-le, regardez-le, vous allez voir si ça vous convient. Mais j'aurais tendance à dire que ça vaut la peine que vous y jetiez un coup d'œil. D'un point de vue de non-dessinateur, ça me semblait bien intéressant. Donc, c'est chez Glénat, là, Gilbert Bouchard, la bande dessinée, c'est facile. Alors, voilà pour ce bref clin d'œil. La semaine prochaine, avec nous, Jimmy Beaulieu qui nous parle de rôle de composition, Anna Roy et ses petites choses, donc deux sorties de Mécanique Générale et plus. Alors c'est un plaisir d'être avec vous sur les ondes du 89.1 à la vie en BD. Je m'appelle Raymond Poirier et je vous dis à la semaine prochaine.